Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, vos réflexions et témoignages sont attendus sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Notre cerveau est-il moins extraordinaire que nous le croyons ? Au moment même où des milliers de cerveaux travaillent d'arrache-pied à la COP21 pour sauver la planète d'un réchauffement fatal, nous allons peut-être comprendre, grâce aux quatre cerveaux réunis dans le studio 1 de la Maison de la Radio, pourquoi l'être humain se laisse souvent bercer d'illusions lorsqu'il imagine les pouvoirs de son organe suprême. Pour regarder en face les mythes bien incrustés dans nos neurones et démêler le vrai du faux ou du non vérifiable, nous recevons aujourd'hui dans le Club Science Publique l'auteur d'un livre remarquable et remarqué puisqu'il vient de recevoir le prix Le Goût des Sciences, remis le 24 novembre 2015 par Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est en effet l'ouvrage intitulé « Mon cerveau, ce héros, mythe et réalité » écrit par Elena Pasquinelli qui a obtenu cette année le prix du livre généraliste. C'est peu dire que la lecture de ce livre nous fait perdre nos rêves de disposer d'un organe extraordinaire logé dans notre crâne. L'auteur passe en effet en revue un grand nombre de croyances auxquelles nous nous accrochons, parfois depuis fort longtemps, au point d'en perdre la trace en tentant de remonter à leur origine. Un seul exemple, le premier que cite Elena Pasquinelli, le fait de n'utiliser que 10% de notre cerveau. L'argument fondateur du film « Lucie » de Luc Besson, sorti en 2014, en prend un sacré coup. Et il ne s'agit que d'une façon d'exprimer nos croyances en de multiples pouvoirs mystérieux, plus ou moins cachés ou réservés à certains privilégiés, qui seraient enfouis au cœur de nos 100 milliards de neurones. Un chiffre aussi célèbre qu'approximatif, souligne Elena Pasquinelli. Au fil des pages, tout y passe et le lecteur prend une sacrée leçon de modestie cérébrale. Sans craindre les désillusions, mais en les redoutant un peu quand même, nous recevons donc aujourd'hui dans le Club Sciences Publiques Elena Pasquinelli, chercheure en philosophie et en sciences cognitives, chargée de cours à l'école normale supérieure et membre de l'équipe de la main à la pâte. Et nous sommes avec trois membres du Club Sciences Publiques, Jean-Michel Beignet, philosophe, professeur à l'université Paris-Sorbonne et directeur de l'équipe de recherche Rationalité Contemporaine, Bruno Falissard, médecin psychiatre, professeur de santé publique à l'université Paris-Sud et directeur d'une unité INSERM, et Pierre-Henri Gouillon, biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous faire part de vos remarques, de vos commentaires et suggestions même de sujets sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Elena Pasquinelli, bonjour. Bonjour. Alors, on peut se demander pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre dont l'objectif est visiblement d'aller un peu à contre-courant de la mode actuelle, qui a tendance, peut-être sous l'effet du développement fantastique et récent des neurosciences, à révéler ou à expliquer de formidables aptitudes du cerveau humain. Vous prenez cette tendance un peu à l'auto-admiration ou à la sacralisation à contre-pied et vous vous attachez à démontrer chacune des fausses croyances. Alors pourquoi, comment, quelle était la démarche qui vous a conduite à écrire ce livre ? Et c'est justement cette mode du cerveau de laquelle on est un peu tous les victimes, et moi la première. Donc c'est un livre sur moi-même un tout petit peu, parce que je suis une grande passionnée de sciences cognitives. C'est le domaine où je mène mes recherches. Je pense que les sciences cognitives sont très intéressantes et sont en train de produire des connaissances et une compréhension de nos processus quotidiens qui est très intéressante et que j'espère on puisse aussi utiliser pour la vie quotidienne et pas juste pour la vie de laboratoire. Mais justement, quand on s'intéresse à exploiter, entre guillemets, les sciences cognitives pour la vie de tous les jours, on s'aperçoit que cette rencontre entre sciences et société est, comme c'est le cas dans plusieurs occasions, dangereuse parce qu'elle produit des espoirs excessifs, des craintes excessive et des mythes. Donc c'est pour ça, pour favoriser, disons, rencontre un peu plus saine, heureuse entre sciences cognitives et société, que je me suis dit que c'était le cas de démonter quelques fausses croyances. Alors ce livre est original aussi par sa structure. puisqu'il est structuré par avec des chapitres, mais qui se termine par une conclusion et une liste de références, ce qui est particulièrement confortable à consulter, contrairement aux notes de bas de page ou aux notes en fin de livre, qui sont toujours assez délicates, soit qui interrompent la lecture, soit qui renvoient à un corpus démesuré en fin d'ouvrage. Donc pourquoi avez-vous décidé de structurer les choses comme ça ? Ah, ça, je pense que ça fait partie d'une attitude pédagogique qui me vient de la main à la pâte. Voilà. Donc c'est dans l'idée que... Et aussi du thème du livre. Je n'avais pas envie, je ne voulais pas, on avait longuement discuté avec l'éditeur, asséner juste des considérations non fondées, faites par moi-même, en disant ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Je voulais donner au lecteur la possibilité de se faire leur idée. Or, quand on veut donner cette possibilité au lecteur, il faut se tenir dans un juste milieu, qui est celui à la fois de donner les références sur lesquelles on s'est basé, qui sont très souvent un peu trop savantes pour les lecteurs moyens, qui s'intéressent à ces questions, mais qui, en même temps, ne doivent pas être trop légères pour éviter de partir dans tous les sens. Donc, ça a été un compromis, disons, pédagogique. Et original. Alors, Pierre-Henri Gouillon, vous avez fait partie du jury qui a décerné ce prix, donc vous l'avez pu l'étudier dans le contexte de ce concours annuel, le Goût des sciences, qui est donc décerné par le ministère ou le secrétariat d'État, suivant les moments, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Comment ce livre s'est-il un peu distingué des autres ? C'est assez rigolo parce que, en fait, tous les ans, on a des livres sur le cerveau. Et du coup, quand on avait arrivé celui-là, on s'est tous dit la même chose. On s'est dit, oh là là, encore un livre sur le cerveau. Et puis, bon, quand même si j'ai même déjà vu, on les lit. Et là, il s'est trouvé qu'on s'est tous pris au jeu. En rentrant dans le livre, on s'est dit, ah bah oui, ça, c'est vraiment un livre qui apporte quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on avait tous entendu parler des 90% du cerveau qui servait à rien. Et qu'on avait, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, des doutes sur la véracité de ce truc-là, mais voir aussi clairement dit que c'était pas vrai. Et puis, je pense que ça, il déconstruit toute une série de mythes. Il apporte au contraire un certain nombre d'informations très claires. Il montre comment on peut se tromper, etc. Et donc, ça nous a beaucoup plu. Puis, je pense que le fait que Elena soit une membre très active de la Main à la Pâte, qui est donc une association qui s'occupe de transmettre la science de façon aussi ludique que possible dans le système scolaire, ça a sûrement joué un rôle dans le fait que quand elle écrit un livre, il est facile à lire pour le grand public. Et c'est ça, le prix Le Goût des sciences, c'est un prix où on essaye de primer des livres qui vont faire que les gens, en lisant, trouvent que la science, c'est pas ennuyeux. C'est une grosse difficulté dans notre pays, parce que dans notre pays, les intellos, ils sont quand même souvent issus des sciences humaines et choses comme ça. Et c'est des gens qui souvent croient que les sciences de la nature, c'est nécessairement ennuyeux. Et c'est vrai d'ailleurs pour la direction des radios, des télés, etc. C'est pour ça qu'il y a si peu d'émissions de sciences, paraît-il. Et qu'elles sont à des heures de faible écoute, si possible, comme celle-là. Mais heureusement... Je vous remercie pour ce cadeau. On va pouvoir passer la parole justement à un représentant aussi des personnes dont vous parlez, puisque Jean-Michel Beignet est dans les sciences humaines et sociales en tant que philosophe. Alors, qu'a-t-il pensé de cet ouvrage ? Ah ben moi, je me suis régalé à lire ce livre pour plusieurs raisons, mais aussi pour une raison qui tient au fait que vous êtes chercheur en sciences cognitives. Or, effectivement, les sciences cognitives sont des sciences relativement jeunes, dans les années 1960, qui se situent à la lisière des sciences humaines et sociales, mais aussi des sciences dures, physique, biologie, etc., et qui ont cherché longtemps, finalement, leur référence principale. Les sciences cognitives, elles ont commencé par s'engouffrer dans la brèche ouverte par l'informatique, bon, et donc on cherchait à comprendre le cerveau par référence à l'ordinateur. Progressivement, le mouvement de bascule s'est fait du côté des neurosciences. Et les neurosciences ont été élues par les sciences cognitives comme les sciences matricielles. Et alors donc, que vous soyez chercheur en sciences cognitives et que vous vous attachiez à dénoncer les neuromythes, voilà qui me paraît vraiment intéressant. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied ? Comment vous allez faire pour trouver un second souffle si il reste plus grand-chose des neurosciences. Alors, je suis rassuré, je suis certain qu'il reste plein de choses des neurosciences, mais est-ce que vous allez vous orienter vers un peu plus de philosophie pour tempérer le scientisme en voie de constitution actuelle? Et est-ce que vous allez rejoindre le camp de ceux qui, moi j'ai connu ça dans mon laboratoire autrefois, au CREA, chercher à faire le pendant entre la phénoménologie, le discours en première personne, comme on disait, et les neurosciences, le discours en troisième personne. Est-ce que c'est ça que va constituer votre problématique nouvelle? Elena Pasquinelli. Je vous réponds donc tout de suite. Je pense qu'il y a autant de définitions et d'idées sur les sciences cognitives qu'il y a de gens qui en parlent. Donc je vous donne juste mon image, ça reste une opinion personnelle. Je pense que les sciences cognitives sont aujourd'hui une famille très démocratique. Au sens où il y a la place pour des contributions vraiment diverses et variées. Que le grand problème, c'est de les réduire, comme vous l'avez dit vraiment très bien, à une ou une autre discipline qui devient la discipline mère des sciences cognitives. Les sciences cognitives sont faites pour intégrer un regard qui vient par les études à neuroimage du cerveau, les études moléculaires sur le cerveau, les études en intelligence artificielle, les études en psychologie cognitive, les études en anthropologie avec des cultures différentes, en allant documenter comment c'est qu'on pense être universel. Après, ça peut en partie varier d'une société à une autre, et la philosophie. Et là, je le revendique très fort parce que je suis philosophe et donc j'espère avoir une place dans les sciences cognitives. S'il y a de la place que pour les neurosciences, je suis dehors. Donc, ça serait triste. Donc, je pense que je ne me suis pas tirée, j'espère, une balle dans le pied avec ce livre. Je pense chercher à faire la place, effectivement, sur une réflexion qui soit un peu plus ample et qui touche aussi à l'idée que les sciences cognitives peuvent être des sciences appliquées, même au-delà du sein et de la pathologie, des sciences appliquées à la vie de tous les jours. Mais pour ça, il faut qu'elles restent si démocratiques et qu'elles s'appuient sur des sciences très différentes et les mettent en dialogue entre elles. Bruno Falissard, je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et donc particulièrement aussi intéressé par cet organe qu'est le cerveau. Bien sûr. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est la tentative de désacralisation. Je trouve que la science ne doit pas devenir sacrée. Et les neurosciences aujourd'hui, parce qu'elles s'intéressent indirectement à l'esprit et que pour un être humain, l'esprit, c'est quelque chose de particulièrement important, tendent à avoir un discours de vérité, un discours sacralisé autour de ce qu'est l'esprit humain. Et ça, c'est un tout petit peu délicat. Et donc, de désacraliser, c'est très bien. Ça fera du bien aux neurosciences et aux sciences cognitives. Et pour un clinicien, moi, ce que j'attendrais des sciences cognitives, c'est qu'elles arrivent à déterminer quelles sont leurs limites au sein de leur propre théorie. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on pourrait expliquer un sujet pensant rien qu'à partir des sciences cognitives. Or, quand on est en face d'un patient psychiatrique et même d'un patient tout court, ben, si on n'a pas une approche phénoménologique, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire de considérer qu'on est en face d'un sujet, qu'il est là, que je suis en face de lui, et que ça participe aux soins, si je considère que c'est un système de traitement de l'information un petit peu froid, ça va modifier mon rapport au patient. Et donc moi, j'aimerais que les sciences cognitives me disent, nous avons trouvé ça, nous pouvons trouver tout ce qui est autour de ça, mais il y a des zones du sujet pensant qui nous sont étrangères. Elena Pasquini. Ça résonne beaucoup. Je vais apparemment changer de sujet, mais pas vraiment. Ça résonne beaucoup avec ce qu'on cherche à faire dans les domaines de l'éducation. Ça me ramène aussi à la main à la pâte. Les sciences cognitives, en réalité sous le nom de neurosciences, sont très à la mode aussi en éducation. Et moi, je suis très contente que ce dialogue se fasse entre ces sciences qui cherchent à mieux explorer les processus d'apprentissage et une approche scientifique à l'éducation. Mais j'ai craint aussi, en même temps, qu'il y ait un discours de transposition presque sacré, effectivement, d'un savoir qui vient du laboratoire sur le monde de l'éducation. Et que donc on dise, on peut effectivement tout expliquer, voilà le paquet, ça c'est le cerveau, c'est comme ça que ça marche, comme ça. Enseignant, vous n'avez qu'à le prendre et à le transposer dans la classe. Je pense que ça résonne avec ce Exactement. Que vous venez de dire concernant le rapport avec le patient. Bon, or, ça ne peut pas se passer comme ça. Si on cherche à le faire passer comme ça, cette rencontre heureuse, ce mariage heureux entre les neurosciences et la société va pas se passer, ou entre les sciences cognitives et la société, ça ne va pas se passer. C'est un dialogue, c'est la construction de ponts, d'aller-retour, où on met à l'avantage de l'autre le savoir pratique de l'enseignant et de l'enseignement et de la situation de classe, les complexités qui se créent dans une situation d'interaction. Vous avez parlé de 4, 5 cerveaux, 200 cerveaux. Dans une classe, il y a plusieurs cerveaux, y compris celui de l'enseignant, qui jouent ensemble. Donc, les sciences cognitives peuvent apporter des éclairages sur certains aspects si elles sont à l'écoute des éclairages qui viennent des personnes qui sont sur le terrain et qui arrivent à construire quelque chose ensemble qui aide effectivement à améliorer d'une façon plus scientifique aussi l'éducation. Mais dans cet équilibre que je pense correspond à ce que vous décrivez pour la psychiatrie. Alors il y a peut-être un biais qui est général et dont on parlait avant le début de cette émission, qui est le fait que le cerveau est le seul sujet pour lequel le chercheur utilise son propre instrument d'investigation, qui est son propre cerveau, pour étudier cet organe. Et ça peut paraître une évidence, mais en réalité, ça a quand même des conséquences, Elena Pasquinelli, sur le rapport du chercheur avec l'objet de sa recherche. Oui, d'abord parce que, comme tout le monde, le chercheur a des intuitions sur son propre cerveau qui lui viennent du fait qu'on vit avec notre cerveau presque tout le temps, disons. On s'en sépare presque jamais. Donc, on a des intuitions, comme monsieur et madame tout le monde ont des intuitions en se voyant fonctionner. Donc, ces intuitions, après, on les recherche effectivement de façon scientifique, mais elles entrent en jeu. Et c'est aussi le fait que le scientifique chercheur n'est pas le seul cerveau en jeu quand il étudie des cerveaux. En étudiant le cerveau des sujets de sa recherche, il peut aussi en partie les influencer. Donc on sait par exemple que dans les expériences en psychologie cognitive, il y a un effet d'attente des cerveaux qui sont étudiés, des personnes qui sont étudiées, qui cherchent à faire plaisir à l'expérimentateur, donc à bien faire, et qui de cette manière modifie effectivement, crée un biais, une influence sur ce qu'on est en train d'étudier. Donc c'est un domaine de recherche qui effectivement demande beaucoup d'attention, beaucoup de contrôle. Pierre-Henri Gouillon. Oui, je me demandais la question de l'irréductibilité de ce qu'est l'être donc philosophique, l'être phénoménologique à ses fonctions, son fonctionnement neuronal. C'est une question évidemment difficile et je pense qu'il y a une diversité de points de vue là-dessus. Il y a des gens qui, je pense, qui croient quasiment que s'ils savaient tout sur les neurones, ils sauraient tout sur l'être. Il y en a d'autres qui pensent qu'il y a une émergence qui apparaît lorsque le cerveau fonctionne des choses comme l'intelligence ou l'amour ou la souffrance sont des émergences qui seront jamais réductibles au système physico-chimique du cerveau qui les sous-tendent. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous situez d'ailleurs tous sur cette question. Oui. Donc il y a le fameux homme neuronal de Jean-Pierre Changeux qui exprime un peu cette vision très réductionniste qui rejette presque complètement l'idée d'émergence. Bon, moi personnellement, faisant de l'écologie, je m'intéresse justement aux émergences parce que je pense que les systèmes complexes voient apparaître des propriétés qui sont absolument pas déductibles de l'étude des éléments qui sont dedans. Mais je ne sais pas au niveau du cerveau comment est-ce que ça se traduit dans les recherches des gens justement qui sont à la fois philosophes et... Je te donne une réponse de philosophe et une de scientifique. La réponse de philosophe, là aussi il y a beaucoup de réponses de philosophes. Ma réponse de philosophe, c'est que je suis très pragmatique en tant que philosophe. Je n'aime pas m'intéresser aux questions trop compliquées. Je ne suis pas capable. Donc, je reste sur le pratico-pratique. Et le pratico-pratique, c'est les manières, c'est les méthodologies pour étudier et les manières de conceptualiser et d'étudier des sujets aussi complexes que l'identité, la conscience, la personne, etc. Je pense qu'on n'est pas, et je ne vais pas me prononcer si on le sera jamais ou pas parce que je n'ai aucune idée, on n'est pas un état de lâcher certaines manières de décrire ce qu'on est, ce qu'on fait, l'amour, la peur, les passions, la conscience. Il y a un niveau de description conceptuelle qui est très utile. Donc, je ne te réponds pas sur le vrai ou le faux, je te réponds sur l'utilité, qui est très utile pour expliquer certains phénomènes, pour les prévoir, pour agir sur ces phénomènes. Donc, je ne serais pas prête, même en sciences cognitives, à jeter les bébés, par exemple, des fonctions à la faveur juste d'échanges d'électrons ou de molécules. Même si je pense que le niveau des échanges d'électrons ou des molécules est extrêmement intéressant. Mais je pense que les différents niveaux de description apporte chacun un niveau de compréhension et qu'on n'est vraiment pas là pour les abandonner. Mais dans d'autres sciences, c'est un peu la même chose. C'est vrai qu'on est arrivé à décrire les quantas up, down, mais... de manière précise, mais on n'est pas prêt à lâcher des descriptions géologiques à tout un autre niveau. Et d'un point de vue plus d'autres sciences qui peuvent t'intéresser, effectivement, cette étude des phénomènes complexes et d'émergence est très présente aussi en sciences cognitives. Tu as des scientifiques, par exemple, qui te décrivent un bateau avec tous ses équipages et avec tous ses outils, bah, comme un système intelligent à étudier en tant qu'hôtel, sans aller voir qui est qui et qui fait quoi. Un mot de Pierre-Henri ? Oui. Vous voulez réagir à ça avant que... Non, ben on fera après, c'est pas grave. On fera après. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question, notre cerveau est-il moins extraordinaire que nous le croyons, avec nos invités, Elena Pasquinelli, chercheure en philosophie et en sciences cognitives, chargée de cours à l'École Normale Supérieure et membre de l'association La Main à la Pâte, et trois membres du Club Sciences Publiques, Jean-Michel Beignet, philosophe et professeur à l'Université Paris-Sorbonne, Bruno Falissard, médecin psychiatre, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, et Pierre-Henri Gouillon, biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Qui voulait d'ailleurs justement intervenir. Oui, non, sur justement ces rapports entre les niveaux élevés de concepts comme la conscience ou la souffrance ou l'amour, et puis l'aspect plus physico-chimique de la description des phénomènes qui sous-tendent ce genre de choses. Moi, on me pose souvent des questions du genre, est-ce qu'on peut parler de souffrance ou d'amour ou de rire chez un animal? Et est-ce que les sciences cognitives peuvent apporter des réponses à ce genre de questions? Elena Pasquinelli. On en parle, disons. On en parle sûrement. Et franchement, je suis très intéressée, très attentive aux études sur la cognition animale, sur ce qu'on appelle la cognition animale, les animal studies. En ce moment, par exemple, je m'occupe plus particulièrement de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'enseigner? Et je cherche, oui, pour quelqu'un drôle qui enseigne, ouais. C'est particulièrement drôle. Ouais, on a découvert récemment que les enseignants aussi ont un cerveau. Mais non, mais et ça m'intéresse de voir qu'est-ce que les animaux non humains, les autres animaux, les autres espèces font, quand, à quel moment de l'évolution cette capacité apparaît, si elle apparaît à différents moments et à différents endroits du point de vue évolutif, c'est une solution commune. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre sur la... Mais on pourrait savoir, par exemple, s'il y a des concepts qui existent chez les animaux, si cette idée-là n'est pas transposable. C'est un long débat. Il y en a qui pensent qu'il y a des concepts, par exemple chez d'autres primates, de causalité, certains concepts liés à la physique. Il y a sûrement des comportements qui sont très semblables dans la capacité à prévoir, à collaborer, donc à utiliser aussi une intelligence sociale qui permet, ou à mettre en place des comportements de générosité, d'enseignement, justement. Donc, après, est-ce que c'est des concepts et à quel moment les concepts arrivent? C'est relativement important de l'établir quand tu cherches à établir certaines continuités. Alors, tu peux imaginer qu'il y a des capacités très très très basiques qui te permettent de faire des choses très très très compliquées et qui après, notamment dans le cas de l'espèce humaine, s'enrichissent d'une capacité conceptuelle à faire jouer les concepts entre eux et changent un peu la donne. Mais les autres capacités restent importantes aussi chez nous. Alors les autres capacités, la question est de savoir où est-ce qu'elles se logent, parce qu'on apprend donc dans tout le début, tout début du livre d'Elena Pasquinelli, que les fameux 10% de capacités utilisées par notre cerveau en moyenne, et qui est la base de le fondement vraiment l'idée de départ du film Lucide de Luc Besson, eh bien ces 10% que l'on entend citer très très souvent seraient une simple construction. Non, d'ailleurs, il est difficile, semble-t-il, Elena Pasquinelli, de trouver l'origine. C'est un mythe qui est très intéressant justement parce qu'il est très mystérieux et il est incroyablement diffusé. Il avait un tout petit peu baissé, j'avais contrôlé sur Internet pendant des années. l'été passé un tout petit peu plus dans les oubliettes. Il avait eu des moments de grande gloire aux années 70-80. Moi, j'étais petite, 80. Je me souviens, par exemple, d'un magicien, Uri Geller, qui soutenait... Ah, vous vous souvenez ? Qui soutenait qu'il pouvait plier les cuillères avec la force de son esprit. Ah, il le faisait, que... vraiment, il le soutenait. Il le faisait, mais c'était la force de son pouce. C'est ce qu'on voyait, en fait, pour le spectateur. Voilà. C'était, le résultat était qu'on le voyait déformer des cuillères à distance. Et lui, il disait qu'il était justement capable de faire ça avec, parce qu'il avait réussi à débloquer les 90% non utilisés de son cerveau. Donc ce mythe était très, très diffusé, était très lié à ses capacités incroyables. Donc du coup, c'est un mythe qui a l'air, et c'est l'autre aspect intéressant, qui a l'air pessimiste, parce que si on vous dit d'abord, écoute, tu sais, tu utilises seulement 10% de ton cerveau, ça a l'air un tout petit peu pessimiste. Mais si tu réfléchis bien, il y a derrière un aspect très optimiste. Parce que si j'utilise seulement 10% de mon cerveau et que j'ai fait des bêtises, si j'arrive à utiliser 20%, 30%, 40%, jusqu'à 100%, je vais devenir effectivement incroyablement plus puissant qu'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la démarche. Einstein était responsable un petit peu de le pauvre Einstein. Le pauvre Einstein a été accusé. On lui a prêté des citations autour de ça. On lui a prêté l'accusation, on lui a prêté l'idée de il aurait dit j'utilise seulement 10% de mon cerveau. Et ça aussi, c'est un aspect intéressant du mythe, parce que Einstein, génie, on est tous d'accord, n'était pas neuroscientifique, donc il pouvait tranquillement dire des bêtises sur des choses qui ne concernaient pas sa science. Et pourtant, il est cité comme expert. C'est un autre aspect intéressant. Les mythes, souvent, se lient aussi à une expertise un peu trop générale, un peu trop surestimée. Alors, Luc Besson, lui-même, n'est pas neuroscientifique. Et il a pris au pied de la lettre ces 10%. Et il les a déclinés au fil du film, en passant à 20, à 40. Et à 40, déjà, comme vous le soulignez dans votre livre, Elena Pasquinelli, il a déjà conféré à Lucie, son héroïne, des pouvoirs quasiment surnaturels, puisqu'elle commande la matière, encore plus que Uri Geller. Elle la transforme et elle la fond avec son esprit, dites-vous. Donc c'est la démonstration de ce mythe, de ce rêve aussi, qui sont cachés derrière ces 10%. C'est-à-dire qu'au-delà, à partir du moment où on pense qu'on n'utilise que 10%, on peut rêver à plein de pouvoirs, plus ou moins surnaturels. Bruno Falissard. Oui, mais souvenez-vous, quand vous aviez un an, vous étiez sur une chaise à bébé et vous tendiez le bras pour avoir la chose à manger. Et cette chose à manger est arrivée dans votre bras, c'est votre mère qui l'a mis dedans. Donc on est conditionné par le fait que peut-être qu'effectivement on peut agir sur les choses à distance, parce que quand on est petit, c'est comme ça que ça se passe dans notre tête. Si vous voulez, j'ai l'impression que dans notre vie de tous les jours, on a l'illusion que l'on perçoit beaucoup plus de choses de ce qui se passe que les stimuli sensoriels, objectifs que l'on perçoit. Et que donc on se dit que quelque part dans notre cerveau, il doit y avoir quelque chose qui travaille avec tout ça. Et c'est quelque chose de merveilleux, d'un peu magique, et on a tellement envie de croire au merveilleux et à la magie. Et il n'y a pas que ça. Je pense que dans cette histoire de 10%, je suis plus vieux qu'Elena Pasquinelli, je me souviens bien de ce qui s'est passé à cette époque-là. C'était un truc qui plaisait beaucoup aux gens de gauche, donc à la plupart des intellectuels à l'époque, dans notre pays. Parce que il y avait un gros débat pour savoir si jamais il y avait des inégalités dans les potentialités intellectuelles des gens. La question de savoir si le QI était irritable, s'il y avait des gens qui avaient des potentialités intellectuelles plus grandes que d'autres. Et la réponse de dire, de toute façon, comme on n'utilise que 10% de notre cerveau, il ne peut pas y avoir de différence parce qu'on est tous très très en dessous de notre maximum, était une réponse qu'on entendait tout le temps dans les années 70, en plein milieu de ces débats-là. Et je pense qu'elle a servi à régler ce genre de débat de façon à éviter... ce qu'on n'avait pas envie d'entendre, c'est-à-dire que peut-être il y a quand même aussi des inégalités de potentialité intellectuelle entre les humains. Jean-Michel Beignet. Les 10% flattaient un petit peu. L'idée est mise au XVIIIe siècle, selon laquelle, au fond, l'homme était avant tout définissable par sa perfectibilité. Nous sommes des êtres perfectibles. C'est Rousseau qui a énoncé cela. La perfectibilité pouvait d'ailleurs jouer à contresens, parce que c'était aussi la possibilité de se dégrader. Mais en tout cas, cette idée de vouloir effectivement fixer poser une espèce de d'échelle comme ça. Bon, c'est cette idée-là qui a la peau dure. Mais il y en a une autre, hein, que vous n'évoquez pas d'ailleurs. C'est l'idée selon laquelle nous pourrions avoir plus de 5 sens. Bon, là, c'est un le sixième sens, par exemple. Le sixième sens, mais on pourrait en avoir 25 sens. Ah oui, voilà. Ouais, donc là, c'est les fantasmes des transhumanistes, mais après tout, ils s'alimentent aussi assez volontiers, d'ailleurs, aux sciences cognitives et aux neurosciences. Là aussi, ils exploitent un certain nombre de mythes. Hein. Bon, c'est l'idée que plus on connaît le fonctionnement des animaux, le comportement des animaux, hein, plus on connaît même la génétique des animaux, et plus on se dit qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on n'importerait pas certains gènes du requin, par exemple, qui a une sensibilité particulière aux ondes électriques, ou pourquoi est-ce qu'on n'importerait pas les gènes de la chauve-souris, hein, qui se déplacent par écolocalisation, etc. Et cette idée-là, effectivement, elle a besoin de se dire que notre cerveau est encore une plage ouverte, hein, qui devrait pouvoir recevoir, hein, l'apport des autres créatures vivantes, et puis aussi, évidemment, recevoir l'apport de prothèses, hein, électroniques, ou issues de la biologie de synthèse, etc. Donc c'est un mythe qui a la peau dure. Bon, vous allez sans doute l'avoir dégommé, si je puis dire, sous sa forme 10%, mais vous aurez du mal à arracher de l'esprit des gens l'idée que notre cerveau, précisément parce qu'il est plastique, hein, doit pouvoir recevoir des adjuvants innombrables et des artefacts, hein, que, après tout, les technosciences peuvent bien nous fabriquer. Alors, Elena Pasquinelli, si c'est pas 10%, alors c'est combien? C'est 100, hein. On l'utilise tout, le cerveau. 100%. 100%. On est au maximum de ce qu'on peut faire, quoi. On pourra jamais vraiment progresser. Et là, justement, en vous écoutant, parce qu'il y a quand même du merveilleux dans le cerveau, mais du merveilleux très, très, très scientifique et physique, pas du merveilleux métaphysique nécessairement. On s'améliore un tout petit peu tous les jours, hein, ou on empire un tout petit peu tous les jours. Hein. Ça, on peut voir la chose des deux côtés. Mais c'est vrai qu'en tant qu'organe plastique, le cerveau a cette caractéristique de changer, effectivement, avec les apprentissages. Alors après, là, il faut tenir le juste milieu. Là, vous allez aussi à l'encontre du cerveau muscle. Voilà, on peut tomber dans les deux extrêmes. On peut tomber dans l'extrême de penser que non, c'est un organe qui ne change pas, ou qu'il change seulement une période de la vie très très précoce. Donc il faut tout faire, chers parents. Même avant la naissance. Inquiétez-vous, exactement. Il faut être très inquiet avant la naissance. Il faut tout donner, tout faire, du violon, des mathématiques, de la musique, etc. Parce qu'après, il ne change plus, ou il ne change plus de la même manière. Ou on peut tomber dans l'extrême opposé, où on pourrait effectivement tout faire. Ah non, le cerveau, il n'a pas de limite, c'est plastique au sens où c'est un masse molle, un muscle avec lequel on peut tout faire. Donc on est tous pareils d'ailleurs, parce que c'est une masse molle, donc tout dépend de l'environnement dans lequel on plonge cette éponge, et tout change. Mais ça, c'est deux extrêmes, et les connaissances actuelles ne s'accordent ni avec l'une ni avec l'autre. Elles s'accordent pour dire que c'est un organe qui a une longue, longue, longue histoire, là je regarde l'évolutionniste, hein, une longue histoire qui lui donne une structure, lui donne des connaissances, des prédispositions, des prédispositions à apprendre certaines choses mieux que d'autres, ou d'une façon différente que d'autres, mais c'est aussi un organe effectivement qui se modifie avec les expériences et l'apprentissage, donc qui effectivement nous permet de nous améliorer. Mais il y a aussi, ou d'empirer, je répète. Il y a aussi dans les neurosciences des éléments qui confortent le sens commun, qui pouvait ne pas imaginer le cerveau uniquement comme une masse inerte et amorphe, hein, et qui pourrait se structurer au gré de l'environnement. C'est par exemple l'idée selon laquelle les adolescents sont insupportables, sont impossibles. Bon, chacun le vit, chacun l'a vécu. Hein, bon, oui, outre le fait que c'est vrai, bah, les neurosciences viennent quand même apporter leur écho en disant il y a des phénomènes de maturation dans le cerveau, et le lobe frontal, ça mature, il faut attendre grosso modo 25 ans, hein, l'âge de 25 ans, la myélinisation, etc. Des explications qui permettent de supporter mieux. Ben voilà, c'est difficile. Bruno Falissard. Non, alors. Il y a la pathologie, en fait, autour des capacités du cerveau. La pathologie, aujourd'hui, là, dans les toutes dernières années, a pointé une voie complètement originale, qui est de dire, par exemple, dans l'autisme, avec la notion de neurodiversité, qu'en fait, il y aurait certains êtres humains qui spécialiseraient, hyper spécialiseraient leur cerveau, et du coup, on aurait, à terme, peut-être, avec l'évolution, des humains différents, avec des capacités fonctionnelles particulièrement développées dans certains secteurs seulement. On avait reçu dans Sciences Publiques une personne qui avait le syndrome d'Asperger, et qui était... Chovanec. Voilà, et qui était douée d'une capacité à apprendre les langues, par exemple, exceptionnelle, et par ailleurs avait certains problèmes dans la vie sociale. Voilà. Qui relevait effectivement un peu alors, de l'autisme. À propos des adolescents, bien sûr, le fait qu'ils soient désagréables, c'est très compliqué, parce qu'ils nous trouvent fortement désagréables eux aussi. C'est vrai, mais nous on ne changera plus. Il faudra qu'ils s'habituent. Pierre Rigouillon. Oui, sur les capacités d'adaptation, justement, et le fait qu'on puisse acquérir des sens différents, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments qui vont dans ce sens-là, en termes de possibilités. Il y a quand même des prothèses assez incroyables qui ont été faites, par exemple des gens aveugles, pour lesquels on va redonner une capacité à voir avec une caméra qui active des picots qui sont posés sur la langue. Et au bout d'un moment, la personne voit en quelque sorte avec sa langue, c'est-à-dire que le cerveau arrive à décoder les signaux sur la langue et à fabriquer une image à partir de là. Donc... effectivement, ça marche. Toutes les technologies de substitution voilà. sensorielle sont très, donc, très donc effectivement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, qu'il y ait une impossibilité totale à ce qu'on s'écolocalise avec un système comme les chauves-souris ou est-ce qu'on puisse faire comme les requins. La question de savoir si c'est souhaitable ou pas est autre chose, mais je pense qu'effectivement, sur ce plan-là, on peut admettre que le cerveau, même si jamais il n'a pas des capacités infinies, peut effectivement acquérir des capacités qu'il n'avait pas au départ. Il faudrait demander à Elena si on est en train de construire là un neuromythe. Mais en fait, on a déjà aussi construit des solutions, puisque le GPS fait exactement la même chose sans avoir besoin de greffer une puce dans le cerveau. Elena Pasquinelli. Oui, j'allais commenter à peu près la même chose, c'est-à-dire, après, il y a plusieurs degrés, il y a des degrés qui nous passent un peu sous les yeux sans qu'on les voit, mais on s'augmente au quotidien avec un livre qui nous apporte des informations qu'on n'avait pas auparavant, qui nous permet de comprendre des choses de manière différente. On s'augmente avec des lunettes. On s'augmentera et on continuera à s'augmenter d'une manière ou d'une autre. Les neurosciences ou les sciences cognitives ne vont pas dicter jusqu'où on peut arriver. Ça, c'est vraiment une décision qu'il faut prendre nous-mêmes. Et il faudrait vraiment distinguer, je pense, là, ce qu'on peut faire de ce qu'on devrait faire. Ce qu'on peut faire ne dicte pas ce qu'on doit faire. Ça, c'est une erreur philosophique assez classique. C'est une fallacie philosophique assez classique. Puisqu'on le peut, bah, on le doit, bah, non. C'est l'une des choses qui m'intéresse le plus, justement, dans cette rencontre entre les sciences et la société, on peut avoir à disposition beaucoup de connaissances, mais après, il faut faire un choix sur qu'est-ce qu'on veut utiliser, qu'est-ce qu'on ne veut pas utiliser. Alors, dans votre livre, il y a aussi l'aspect parascience, parapsychologie, et là, on se rend compte, grâce à vos recherches un peu dans le passé, dans l'histoire des sciences, qu'à une époque, au début du XXe siècle, des scientifiques comme Pierre Curie et d'autres s'intéressaient beaucoup aux tables tournantes, par exemple, ce qui, aujourd'hui, sera peut-être plus difficile à trouver des scientifiques de ce type qui s'intéressent à la parapsychologie. Mais à l'époque, ils ont même été jusqu'à constituer un groupe pour essayer d'étudier et d'analyser véritablement scientifiquement ces phénomènes qui les fascinaient. Et ils l'ont fait, et ils ont invité pour le faire une Italienne. Naturellement, une femme italienne qui avait déjà fait le tour du monde, qui était très à la mode en Russie, en Angleterre, Eusapia Palladino, napolitaine, je peux juste l'imaginer, ça devait être une femme très très, on a des photos très très énergiques, qui effectivement soutenait pouvoir faire bouger les tables et autre chose. Elle est amenée en France et elle est l'hôte régulier des séances pour étudier de parapsychologie, pour étudier ces phénomènes et chercher à comprendre s'il y a derrière quelques mécanismes qu'on peut expliquer par les connaissances en physique et en chimie de l'époque. Donc une approche qui était tout à fait totalement scientifique. On voulait comprendre si derrière ces phénomènes, il y avait un mécanisme qu'on pouvait mieux comprendre, mieux connaître, qui se relierait aux connaissances de l'époque. Donc Pierre et Marie Curie participent régulièrement. Est-ce que la démarche était d'invalider ou de révéler la fraude, ou bien d'essayer justement de comprendre le mécanisme qui était derrière? C'est-à-dire, quel était le point de départ un peu? Bon, j'ai lu un peu des lettres de Pierre Curie à ce propos et d'autres documents de la Société de psychologie. C'était vraiment une démarche de vraie curiosité. Il voulait savoir s'il y avait derrière un mécanisme. C'était une époque où on en découvrait pas mal, hein, de ces forces, on était en plein d'adhérité. Pourquoi pas, il n'y aurait pas là un mécanisme, une force qu'on ne connaît pas et qui explique ces mouvements? Or, quelques-uns des membres de la société s'aperçoivent assez rapidement que Madame Palladino triche. Et triche d'une manière très nette. Elle faisait bouger des feuilles, par exemple. Elle liait à la feuille des cheveux. Et elle tirait sur les cheveux, par exemple. Elle était très bonne. Donc, on s'aperçoit qu'elle triche. On sait qu'elle triche, mais on continue à se poser la question. Là, ça devient un peu être têtu. Exactement. Mais peut-être elle triche de temps en temps. Mais elle triche pas tout le temps. Et donc, du coup, là, la commission s'arrête sur cette conclusion. Madame Palladino triche. Mais on ne peut pas savoir si d'autres fois elle triche pas. Il faut continuer. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question « Notre cerveau est-il moins extraordinaire que nous le croyons ?» avec nos invités, Elena Pasquinelli, chercheure en philosophie et en sciences cognitives, et chargée de cours à l'École normale supérieure, membre également de l'association La Main à la Patte, et trois membres du club Sciences Publiques, Jean-Michel Beignet, philosophe et professeur à l'Université Paris-Sorbonne, Bruno Falissard, médecin psychiatre, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, et Pierre-Henri Gouillon, biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Un des éléments très important de votre livre, Elena Pasquinelli, c'est en fait la nécessité de connaître les statistiques et les probabilités pour se faire une opinion sur la plupart de ces phénomènes dont on constate les effets, dont il est difficile d'analyser les causes. Très difficile. Très très difficile parce que pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'on a bien implanté dans notre cerveau, à un fonctionnement, un mécanisme qui nous amène à voir des causes même là où il n'y en a pas, qui est un mécanisme très utile, hein, qui nous amène à voir des relations entre les différents phénomènes et qui nous amène très souvent, dès que ces relations sont fortes et sont dans un ordre temporel, à les interpréter comme étant des relations causales. Donc on a une sorte d'instinct, hein, de voir, de percevoir, d'enférer la présence de causes, la présence de relations, même là où il n'y en a pas. Tante Marie qui vous appelle pendant que vous étiez en train de penser à Tante Marie, vous avez un moment, waouh! Quelle coïncidence! C'est juste une coïncidence, mais on n'a pas tendance à l'avoir de cette manière-là. Pourquoi a-t-on développé ça? Est-ce qu'il y a une raison évolutionniste, Pierre-Henri? Ça, c'est une question compliquée parce qu'on ne sait pas si ça existe chez d'autres formes vivantes. Et même, il y a un certain nombre de gens qui prétendent que c'est une spécificité humaine. C'est-à-dire que si vous. Il y a des tests qui sont faits comme ça, vous faites à un petit enfant et à un singe la même farce, vous leur donnez une récompense s'ils arrivent à faire un certain truc, et puis après vous truquez le système et du coup ils n'y arrivent plus. Et vous voyez le singe, enfin le chimpanzé qui essaye quand même un certain nombre de fois, puis quand il en a marre, quand il voit que ça ne marche plus, il laisse tomber. Et vous voyez l'enfant qui essaye aussi, et puis au bout d'un moment, il regarde l'objet et il se demande qu'est-ce qui a changé dans cet objet. L'idée, pourquoi? Est-ce que la question pourquoi est une spécificité des humains ou pas? Ça, c'est une vraie question. Actuellement, je pense qu'on n'a pas la réponse. Mais donc, si c'est une spécificité humaine, soit comme c'est arrivé qu'une fois dans l'évolution, je peux pas vraiment vous dire ce qui s'est passé. Ça manque de modèles. Pour induire des relations de causalité, justement, comme va nous le dire Elena, il faut plusieurs occurrences de la même chose. Si, avec une seule fois, on peut rien dire. Voilà, alors en fait, avec le livre d'Elena Pasquinelli, on se rend compte que le degré de crédulité de l'ensemble du public est fonction de son ignorance des probabilités. C'est un peu ça. Disons que ça aide. ça aide pour la simple raison qu'on est de toute manière inondé de données. On nous dit que faire telle chose va augmenter de 5%. notre probabilité, par exemple, d'attraper un cancer d'un certain type. On a fait une émission sur la viande mémorable sur absolument, ce sujet. Absolument, oui. Sur la viande, par exemple. Ah, donc alors, ça augmente de 5%. Là aussi, le problème était un problème de lecture des probabilités. Et là, on a un problème. On a un problème à interpréter qu'est-ce que ça veut dire qu'augmenter de 5% et on n'a pas été éduqué très souvent ou on n'a pas automatisé le fait qu'il faudrait se demander 5% par rapport à quoi, par exemple, à quel risque qui existe. C'est exactement qui existe déjà. Est-ce qu'il y a un risque qui est déjà très important? Est-ce qu'il est limité? Il y a eu des études un tout petit peu inquiétantes faites sur les médecins qui ont montré par un psychologue cognitif allemand qui ont montré, et qui travaille maintenant beaucoup avec les médecins en montrant que les médecins aussi peuvent oublier d'aller regarder quelle est la prévalence justement d'une maladie avant de décider pour un traitement ou pour un dépistage. Raison pour laquelle on a souvent beaucoup trop de dépistage par rapport à leur impact sur les espérances de vie. Donc voilà, c'est des difficultés naturelles. On n'est pas stupide. On a juste des limites qu'on a tendance à ignorer. Une fois qu'on se rend compte des limites, on arrive aussi à mettre en place des stratégies super intelligentes qui nous permettent après de les dépasser, ces limites, donc de fonctionner assez bien. Oui, c'est quand même difficile parce qu'il y a des fois où on a l'impression qu'effectivement il y a une corrélation qu'on a prise pour une causalité, comme l'histoire de la tante qui nous appelle au moment où on pensait à elle, mais il y a des cas où moi je trouve surprenant à quel point on arrive à être convaincu de choses qui sont fausses. Par exemple, la plupart des sages-femmes sont convaincues qu'il y a plus de naissances les jours de pleine lune que les autres, et c'est tout à fait de bonne foi. Et je vois pas quelle observation peut avoir induit cette croyance, alors que ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même très facilement tester de façon parfaitement objective, et qu'il n'y a pas plus de naissances les jours de pleine lune. Donc, comment ça se fait que notre cerveau fasse des trucs comme ça, nous induise à croire à ce point-là des choses pour lesquelles je vois même pas comment ça peut venir à l'idée quand si c'est faux, quoi. Si c'est parce que arriver à trouver des causes, ça nous protège des aléas de l'existence. Si on sait qu'il nous arrive un malheur à cause de quelque chose, alors on sait que dans le futur, en agissant sur la cause, on évitera la conséquence. Et donc on a une espèce comme ça de construction en permanence de recherche de causalité dans le but de nous sécuriser notre existence. Et du coup on en invente quand on n'en a pas. Et du coup on en invente quand on n'en a pas parce que ça rassure. Elena Pasquinelli. Et on s'y attache beaucoup. On sait que quand, par exemple, on vous donne une explication causale pour quelque chose, il y a eu des études qui montraient quand on vous donne une explication causale, il y a eu un accident, et voilà, ça s'est produit pour ça, ou il y a une famille qui est morte parce qu'ils ont mangé dans certains restaurants, et donc ils sont morts après. Si après on vous dit, non, excusez-moi, alors on s'était trompé, c'était pas ça. C'est arrivé pour de vrai, ça. Vous oubliez complètement la deuxième information, c'est-à-dire que c'était pas vrai, et vous avez tendance à vous souvenir de la cause qu'on vous avait donnée, parce que la cause colle un peu plus, là je vais utiliser un vocabulaire très peu scientifique, mais colle un peu plus au cerveau que juste dire, bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, on sait que ça s'est passé, mais on ne sait pas pourquoi. Donc ça ne s'imprime pas, en fait. Ça ne s'imprime pas aussi bien. Donc on tend à rester collé à ces explications causales. Alors ça, c'est très embêtant, parce que... très, dans le monde de l'information, très. En particulier, quand il s'agit de témoins qui ensuite vont témoigner dans des procès, par exemple, ou dans d'autres circonstances, en affirmant certaines choses qui sont basées sur leur perception de ce qui s'est passé. Et là aussi... Une perception qui peut être très fausse. Qui peut être fausse, ou des mémoires qui peuvent être fausses. Mais là aussi, c'est une attitude à surestimer nos capacités dans une direction plutôt que dans une autre. Personne d'entre nous n'est surpris si on vous dit qu'on tend à oublier des choses. Alors, on a tous fait l'expérience d'avoir oublié où sont les clés. Bon, ça pose pas de souci. Mais si on vous dit qu'il est possible de vous implanter des souvenirs, ou que les souvenirs se construisent un peu comme une page Wikipédia, où enfin écrit la première version, d'autres versions peuvent se rajouter, un autre auteur peut changer des parties, etc. Ça, c'est très surprenant. Et pourtant, on sait que les souvenirs effectivement sont influencés non seulement par la manière où ils sont inscrits la première fois, mais aussi par la manière dont après ils sont retranscrits. Quand on vous pose une question, la manière de poser la question peut changer un tout petit peu le souvenir en question. Donc vous parlez d'expérience avec un accident de voiture, par exemple, dont le souvenir est altéré ou est modifié par la question, justement, qui est posée ensuite, après que les personnes aient vu une vidéo de cet accident. Et en fonction de l'utilisation du mot « toucher », je crois, ou « frapper », la question étant, mais à quelle vitesse vous estimez que les deux voitures se sont rencontrées? Donc, si on utilise frapper ou toucher, on n'a pas le même résultat. Exactement. C'est des études qui datent à peu près d'une vingtaine, presque 30 ans, donc qui ont été répétées plusieurs fois par Elisabeth Loftus, qui était justement avait cette inquiétude de l'utilisation des sciences cognitives vie quotidienne. Et là, l'impact est important. Si on découvre que certaines manières de poser des questions, certains témoignages peuvent être influencés, voilà, non seulement on découvre qu'on est plus limité, mais on découvre aussi des stratégies. On peut mettre en place des stratégies pour éviter ces genres d'erreurs. Loftus s'était intéressé et s'est intéressé pendant des longues années aux souvenirs construits au cours des séances de psychothérapie très très poussées, où des jeunes femmes ou des femmes plus âgées avaient des souvenirs qui étaient faux, heureusement et malheureusement en même temps, d'avoir été molestés pendant leur enfance. Heureusement parce que ces faits ne s'étaient pas passés, donc, mais malheureusement, la manière dont elles étaient interrogées pendant leur psychothérapie les amenait à construire des souvenirs des fois très fantaisistes aussi, d'avoir été violées par le village entier, du curé jusqu'au maître d'école. Et il y a des personnes qui en ont fait, qui en ont vécu des effets horribles, de prison, de suicide. Jean-Michel Beignet. Est-ce que les neurosciences peuvent nous apporter quelque chose? Parce que bon, la réalité de la fragilité des témoignages humains, bon, ça, c'est une donnée, hein, avec laquelle on a tous à faire, et il n'y a pas besoin, là, d'être très, très éclairé pour s'en apercevoir. Alors, il y a des théories chez les sciences cognitives, elles peuvent effectivement s'intéresser aux théories de l'argumentation, enfin en se servant des théories du discours, comme vous le dites, permettent de comprendre les ambiguïtés du langage et puis les questionnements biaisés, etc. Mais les neurosciences, elles se sont attachées à cela. Il y a des gens comme Edelman qui ont élaboré des théories très très sophistiquées de cartes neuronales pour montrer comment les souvenirs sont toujours des phénomènes de reconstruction, hein, de reconstruction qui tiennent à des fonctionnements neuronaux. Alors est-ce que les sciences cognitives, de ce point de vue-là, peuvent tirer profit des neurosciences pour aborder cette question basique qui est la question de l'authenticité du souvenir, par exemple, ou du témoignage. Elena Pasquinelli. Les sciences cognitives, comme cette famille démocratique dont je parlais, intégrer un niveau de plus d'observation du phénomène qui est celui qui peut être fourni par les neurosciences, par les neuroimages par exemple, pour déceler des états différents qui se présenteraient dans le cas d'un souvenir vrai, original, d'un souvenir manipulé, ou identifier les différentes manières dans lesquelles un souvenir est inscrit d'un point de vue purement moléculaire dans le cerveau, ça peut apporter une connaissance plus fine et plus profonde de certains aspects. Ça ne veut pas dire de certains aspects du souvenir. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire sens ce dont vous parliez, y compris cette compréhension en partie aussi intuitive qu'on a par l'expérience de ces mêmes phénomènes. Quand les neurosciences ou les sciences cognitives viennent confirmer quelque chose qu'on sait, on est très content. Parce qu'on sait que nos intuitions et ce qu'on pense savoir peut être vrai ou pas. Quand c'est confirmé, ça nous permet de dire, bon, sur ça, on peut effectivement construire plus. Quand elle vient, par contre, contredire quelque chose, quelques-unes des intuitions, ben, on dira, ben, d'accord, alors dans ce cas, on cherchera d'autres stratégies. Je pense que l'aide des sciences cognitives, en partie, c'est d'apporter ce regard scientifique qui peut appuyer des choses qu'on sait ou permettre de les contourner. Il y a un neuromythe que vous n'avez pas abordé, c'est l'idée que les neurosciences nous permettrait de ne plus mentir. Ah, ça, bon, c'est les méta-méta-neuromythes. Ouais. Oui, oui. Et ça, c'est quand même quelque chose. En revanche, donc, moi, je crois... ça pousse certains, puisque j'évoquais tout à l'heure des transhumanistes, ça pousse certains à imaginer qu'avec les neurosciences, on va mettre en place des dispositifs de télépathie qui nous permettront d'éviter le langage, le recours au langage, et donc ces mensonges. Alors enfin, ça, si la, au moins la télépathie, tout... au passage, j'en prends un coup oui. livre. Si tout le monde avait compris ce qu'on vient de dire là, peut-être qu'il y aurait des discussions interminables en famille sur deux personnes qui n'ont pas le même souvenir de la même chose et qui vont s'affronter pendant des heures, qui disparaîtraient. Ça serait déjà une bonne action vis-à-vis de la société que nous aurait rendu les sciences. Le simple passage sur le gorille qui traverse le terrain de basket et que la moitié des personnes témoins de cette vidéo et qui ils sont là pour l'observer, la moitié des personnes ne voient pas le gorille. Non, attention, ils sont là pour pas l'observer, justement. On leur fait compter des nombres de passes et du coup, ils ne voient pas le gorille. C'est quand même. Je pense que des gens pourraient faire en ayant leur attention fixée sur quelque chose. Voilà. Et il se trouve qu'un élément quand même très important de la scène leur échappe et cela permet quand même de se poser des questions sur certains fonctionnements de notre cerveau. On a juste effleuré tous les sujets que Elena Pasquinelli aborde dans son livre, et donc il reste encore plein de désillusions et que vous découvrirez au fil des pages. Pour l'instant, le débat de Science Publique d'aujourd'hui s'achève. Merci à Elena Pasquinelli, Jean-Michel Beignet, Bruno Falissard et Pierre-Henri Gouillon d'y avoir participé. Sur notre site, vous pouvez trouver un lien avec une sélection d'ouvrages récents sur le cerveau, dont bien entendu celui d'Elena Pasquinelli, Mon cerveau, ce héros, publié par les éditions Le Pommier, et qui donc a reçu le prix Le Goût des Sciences 2015. Également le livre intitulé Un cerveau très prometteur, une conversation à laquelle Jean-Michel Beignet a participé, avec Francis Brunel, Florence Gazot et Sophie Bancart. Enfin, Nos cerveaux, tous pareils, tous différents, un livre écrit par Catherine Vidal et publié chez Belin. Sur le site de Science Publique, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et vous pouvez, je vous le rappelle, nous faire part de vos témoignages et réflexions. Vendredi prochain, la semaine prochaine, donc vendredi 18 décembre, Science Publique lèvera les yeux vers le ciel où se prépare, semble-t-il, l'une des révolutions potentielles du 21e siècle, le tourisme spatial, avec à la clé un bouleversement des acteurs de la conquête spatiale provoquée par l'arrivée de sociétés privées. Dernier exploit en date, celui du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui se lance dans l'aventure avec sa fusée Blue Origin. Fusée qui a réussi à se reposer sur Terre après un vol à 100 km d'altitude, ce qui est tout à fait une première. Et avec nos invités, nous tenterons d'évaluer l'avenir de tel vol à la limite de l'espace, ainsi que de déterminer si nous avons une chance de devenir nous-mêmes des touristes de l'espace. Science Publique, Dany Journeau, Clément Daté, Marie Dalquier, Michel Albergantier.